L'instruction des rois. Le royaume était héréditaire, mais les rois étaient obligés, plus que tous les autres, à vivre selon les lois. Ils en avaient de particulières qu'un roi avait organisées et qui faisaient une partie des livres sacrés. Ce n'est pas qu'on disputât rien au roi ou que personne eût droit de les contraindre. Au contraire, on les respectait comme des dieux. Mais c'est qu'une coutume ancienne avait tout réglé et qu'ils ne s'avisaient pas de suivre autrement que leurs ancêtres. Ainsi, ils souffraient sans peine, non seulement que la qualité des viandes et la mesure du boire et du manger leur fût marquée, car c'était une chose ordinaire en Égypte, où tout le monde était sobre et où l'air du pays inspirait la frugalité, mais encore que toutes leurs heures fussent destinées. En s'éveillant au point du jour, lorsque l'esprit est le plus net et les pensées les plus pures, ils lisaient leurs lettres, pour prendre une idée plus droite et plus véritable des affaires qu'ils avaient à décider. Sitôt qu'ils étaient habillés, ils allaient sacrifier au temple. Là, environnés de toutes leurs cours, et les victimes étant à l'autel, ils assistaient à une prière pleine d'instructions, où le pontife priait les dieux de donner au prince toutes les vertus royales, en sorte qu'il fût religieux envers les dieux, doux envers les hommes, modéré, juste, magnanime, sincère et éloigné du mensonge, libéral, maître de lui-même, punissant au-dessous du mérite et récompensant au-dessus. Le pontife parlait ensuite des fautes que les rois pouvaient commettre, mais il supposait toujours qu'ils n'y tombaient que par surprise ou par ignorance, chargeant d'imprécations les ministres qui leur donnaient de mauvais conseils et leur déguisaient la vérité. Telle était la manière d'instruire les rois.